Le Japon envisage d'appliquer le système d'alarme pour s'abriter face au tir éventuel du missile nord-coréen à printemps de Yonhap-Nus de Corée du Sud. Prétendant que la Corée aurait pu déjà posséder la capacité de tirer des missiles chargés du gaz sarin, les autorités japonaises ont incité les États-Unis à la première frappe contre notre république. D'autre part, elles ont conspiré les activités militaires prévues en dehors des actions de combat des troupes américaines stationnant au Japon dictées par le traité de sécurité nippo-américain au cas où les États-Unis s'engagent aux actions militaires contre la Corée. Leur démarche vise à menacer les Japonais d'une crise de guerre dans la péninsule coréenne pour rendre naturelle la participation japonaise à la guerre d'agression d'une part, et d'autre, à relancer l'économie grâce aux approvisionnements de l'armée.